Ekuluwe bwa kuluwe. Tekuluwe bwa kuluwe. Ekuluwe bwa kuluwe. Tekuluwe bwa kuluwe. Ekuluwe bwa kuluwe. Tekuluwe bwa kuluwe. Ekuluwe bwa kuluwe. Tekuluwe bwa kuluwe. Ça rentre, ça s'en sort, ça fait faire. Oh, ça sort. Ça pénètre mètre par mètre dans l'oué. Tekuluwe bwa kuluwe. Ça rentre, ça s'en sort, ça fait faire. Oh, ça sort. Ça pénètre mètre par mètre dans ton cancan périmètre. Ça gesticule, ça canicule dans ton cancan vestibule. Écoulouez, bois, coulouez. Frottez, frottez, frottez, frottez, frottez, frottez, frottez. Frottez ça, c'est ça moins dur. Assis ça, c'est ça moins dur. Gros ça. Frottez, frottez, frottez, frottez, frottez, frottez, frottez, frottez, frottez. C'est ça moins dur. Assis ça, c'est ça moins dur. Gros ça. Mon c'est la cachimé. Bien la kakime. Baile bibi kime. Mabouya, mabouya, oui. Olé, olé. Mabouya, mabouya, oui. Olé, olé, olé. Mabouya, pani fonda, sadoli patini bani. Caméléon, pas trop couillon. Mabouya, pani fonda, sadoli patini bani. Mabouya pani bonda, sandoli patini pan. Caméléon pas trop couillon. Sou sou, sou sa sa. Sa sa, sou sou sou. Sou sou, sou sa sa. Sa sa, sou sou sou. Sou sou, sou sa sa. Sa sa, sou sou sou. Sou sou, sou sa sa. Sa sa, sou sou sou. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est réglé sur nous? En entrant, en entrant. Moué collant. Deviendra grand et la queue frétille. Petit balaou deviendra grand et la queue frétille. Petit barbarin deviendra grand et la queue frétille. Yo yo yo yo. Paroda. Paroda. Paroda. Foutant la paix, foutant la paix, foutant la paix. Laissez-moi respirer. Foutant la paix, foutant la paix, foutant la paix. Laissez-moi respirer. Foutant la paix, foutant la paix. Foutant la paix, c'est moi respirer. Foutant la paix, foutant la paix. Foutant la paix, c'est moi respirer. Yo, yo, yo. Paroda. Paroda. Paroda. Jacob et George, c'est chiré ou cachiré. Moi, pas cachiré. En cas fanny. Fan. Coco, cossé. Fan. Mm-hmm. Fun. Coco, c'est... Fun.